Les autres, on va tourner ensemble dans l'Évangile de Luc. Et on est au chapitre 15. Luc, chapitre 15. On avance dans cette merveilleuse évangile. Et pendant qu'on avance, il ne faut pas oublier que cet auteur, qui est Luc, écrit à une personne bien précise. Il n'est pas en train d'écrire ça à quelqu'un qui ne connaît pas, à quelqu'un qui est dans les airs quelque part. Il n'est pas en train d'écrire ça à un groupe qui ne connaît pas, qui va lire ça dans 2000 ans. Il parle à quelqu'un qui est probablement un de ses amis proches ou une connaissance proche qu'il a dans sa vie. Il veut l'aider. À quoi faire? Il veut l'aider à être convaincu, à être certain de ce qu'il a entendu, c'est la vérité. Donc, il a entendu des choses par rapport à Dieu. Il a entendu des choses par rapport à Jésus, probablement. Probablement qu'il avait entendu peut-être l'Évangile. Peut-être même qu'il était un nouveau croyant. On ne sait pas. Mais il avait entendu l'Évangile. Et ça, on est certain parce qu'il dit les choses que tu as entendues. Donc, ils avaient entendu. Mais il semble peut-être que Théophile avait des questions. Peut-être que Théophile se posait des questions. Il disait, « Ouais, mais comment ça? Puis quoi ça? Puis où ça s'est fait? Puis comment c'est passé? » S'il s'appelait Théophile François, il aurait probablement posé un paquet de questions. Parce que je suis toujours en train de poser des questions. Ma mère disait tout le temps, « T'es fatiguant avec tes questions. Et t'es fatiguant avec tes questions. » Elle donnait une réponse, puis je disais, « Mais pourquoi? » Mais pourquoi? Mais pourquoi? Elle dit, il n'y a pas de pourquoi, il fallait quand je te le dis. Donc, et je suis encore de même, rendu proche de 60 ans, je pose encore les questions. Où, quand, comment, pourquoi? Et peut-être que Théophile était comme ça, et Luc, il dit, ben, je vais t'écrire une petite lettre. Je vais t'écrire quelque chose pour te donner des réponses à tes questions. Gloire à Dieu, c'était mis sur papier, et nous l'avons aujourd'hui. Et nous avons les mêmes questions que Théophile, et automatiquement, ça répond à des questions que nous avons aussi dans notre vie de tous les jours. Vous vous souvenez de l'histoire des deux fils? Jésus, un jour, s'adressant à une foule, à un groupe, il dit, il y avait un jour un homme qui avait deux fils. Et cet homme-là était propriétaire d'une vigne. Et il demande à un fils, son premier fils, d'aller travailler dans la vigne et de travailler pour lui dans la vigne, de faire du travail. Et le premier fils dit, « Non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux rien savoir de toi, je ne veux rien savoir, je ne veux pas y aller. Non, ça ne m'intéresse pas, passez payé. » Il se retourne vers le deuxième fils. Il dit au deuxième fils, « Tu veux aller travailler dans ma vigne? Tu allais faire telle affaire dans ma vigne. » Et le deuxième fils dit, « Oui, moi y aller. » Chemin faisant, le deuxième rencontre un de ses chums, ça va prendre une bière au bord, puis finalement, il ne se rend jamais à la vigne. Le premier fils qui avait dit non, qui avait gueulé après son père, qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Papa a fait des affaires pour moi, il m'a fait ça, hein, il me sent coupable, je devrais faire de quoi. Il dit, OK, je vais y aller. Il vient d'abord, puis il s'en va à la vigne, puis il travaille pour son père. Et Jésus dit au groupe qui est là, les prostituées et les gens de mauvaise vie, les publicains, vont vous devancer, vous les religieux, dans le royaume de Dieu. Et ça lui a donné une claque à tous ces gens religieux-là, de façon phénoménale. Phénoménale. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce que Jésus était en train de dire là. Tu es en train de dire que les putains, les voleurs, vont aller au ciel avant nous autres. Nous autres, les gens de religion, nous autres qui vont à l'église, nous autres qui prions, nous autres qui faisons nos affaires, tu dis qu'on n'ira pas au ciel, puis les autres vont y aller. Jésus dit oui. Parce qu'eux autres vont se repentir. Ils vont finalement faire ce que Dieu a dit. La question que je te pose là ce matin, que je me pose à moi, que je me suis posée cette semaine, dans quel groupe étais-tu avant ta conversion? Dans quel groupe étais-tu avant ta conversion? Parce que tu étais dans un des deux groupes. Étais-tu parmi les gens qui étaient tu étais un pratiquant, tu allais à l'église, tu faisais des prières, tu étais un homme religieux, tu étais une femme religieuse, tu étais, selon la société, une bonne personne? T'étais-tu dans cette gang-là? Ou t'étais-tu dans l'autre gang, parmi les prostituées, les gens de mauvaise vie, les voleurs, les arnaqueurs, les trompeurs, les adultères? Étais-tu dans cette gang-là? Dans quelle gang est-ce que tu étais? Je dis ça ce matin, c'est pas un est meilleur que l'autre. Mais le fait de comprendre dans quelle gang on était, ça nous aide à vivre notre vie chrétienne aujourd'hui. Tu ne luttes pas avec la drogue si tu n'as jamais pris. Mais tu luttes avec d'autres choses si tu te pensais meilleur que les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les deux vont lutter. Mais dépendamment de qui on était avant de se convertir, ça nous suit dans la vie chrétienne. Ça nous suit. Et vous avez remarqué que les pharisiens, parce qu'il y en a qui se sont convertis, voulaient retrouver les actes des apôtres, puis ont des problèmes dans l'Église. Et vous voyez des gens qui étaient des gens putains et prostitués et ce que tu voudras, on les retrouve dans 1 Corinthiens, ils ont des foutus problèmes dans l'Église aussi. Mais des problèmes différents. Différents. Des fois, je vois des chrétiens, puis de la façon qu'ils agissent dans l'Église, je sais quelle sorte de vie qu'ils faisaient avant. Ils disent, ça doit être un gars qui allait allumer son lampion. Parce qu'on dit en anglais, judgmental. Il juge, il condamne, parce que c'est une bonne personne, là, avant. Il y a de la misère à se voir aussi bas que la putain du coin qui est assis au côté de lui dans l'Église le dimanche matin. Il y a de la misère avec ça. Parce que lui, c'est une bonne personne avant. Lui, il n'a pas ces luttes-là que l'autre a. Il y a d'autres sortes de luttes. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous me suivez? Et ça, c'est important pour toi, tu dises, moi, avant, là, moi François, là, c'est facile pour moi. Moi, je suis le premier fils. Moi, c'est bien facile pour moi. Je suis le premier fils. Maudit c'est Dieu, je ne veux rien savoir de lui, je ne veux pas rien travailler pour lui. S'il existait, j'aurais donné une claque à pleine face. J'étais un rebelle ouvert. Et ça me donne des problèmes dans ma vie chrétienne. Un des problèmes, on est chrétien. Mais si toi, tu étais dans un autre, puis Dieu l'a fait grâce aussi, ça donne d'autres sortes de problèmes. Et des fois, en tant que chrétien, dans la même église, on va avoir des difficultés à se rejoindre, à se parler, à se comprendre, parce qu'on vient de ces deux mondes-là différents. On est dans deux mondes différents. Donc, on a de la misère à comprendre ce que l'autre est en train de vivre, parce que l'autre, lui, il a vécu toute sa vie dans une vie... je parlais avec quelqu'un cette semaine, une vie que je ne peux même pas m'imaginer de ce que cette personne-là a vécu. Je ne peux même pas imaginer ce qu'elle a vécu. Mais si cette personne-là, un jour, viendra à l'Église, je me dis, oh, que j'aurais de la misère probablement à comprendre sa vie chrétienne. Hein. J'aurais de la misère à comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Hein. Parce que je suis tellement dans un autre monde qu'elle que je me suis converti. Prenez-vous la différence? Et c'est important de comprendre ça dans nos relations mutuelles. On a des petits goûts de ça quand on se marie. Hein? On vient de familles différentes, de lieux différents. Puis là, on fait des flemèches. Là. Moi, je connais avec ma femme des affaires bien niaiseuses. Là. Une question d'épices dans la nourriture. Les autres, ils mangeaient tout épicé chez eux. Ils n'allaient jamais d'épices. Ça. Fait qu'elle me faisait des affaires, je disais, bah, mange pas ça. Bah. D'épices, c'est fort. Ça brûle ici à l'intérieur, je ne veux pas ça. Ouais, mais elle a mis toute son affection dans son plat de spaghetti, puis moi, je n'en mangeais pas. Connais-vous la différence? C'est des niaiseries, on pourrait dire. Mais c'est dit que ça gruge les relations, ça ne fait pas attention. Hein? Ça gruge les relations. Mais ce genre de personne-là, ce matin, Jésus, la grande partie des convertis se retrouvent dans la gang du premier fils. La majeure partie Les gens qui vont se convertissent dans le groupe du premier fils, des rebelles. C'est ceux-là qui vont se convertir le plus. Et Jésus ici dit que, en parlant de ce fils-là, qu'il approuve le comportement du premier fils. Non, qu'il approuve le fait qu'il a désobéi, le fait qu'il n'a pas voulu faire, mais il approuve le fait qu'il se repent va emmener ce fils-là dans la présence de Dieu. Et depuis le chapitre 12, on est en train d'étudier ça. La repentance. La repentance. Et Luc parle pendant plusieurs chapitres, 12, 13, 14, 15, 16, il va parler de la repentance, de se changer notre façon de voir, changer notre attitude, changer notre comportement, changer notre façon de percevoir Dieu. Il appelle Théophile à prendre un choix. À prendre un choix. Et ce matin, dans le chapitre qu'on va étudier ensemble, c'est les trois histoires, ou presque au moins deux histoires, qui sont les plus connues dans le Nouveau Testament. La brebis perdue, que tout le monde connaît, qu'on a tout conté à nos enfants quand ils étaient petits. Et l'enfant prodigue, que tout le monde connaît. Même les non-croyants connaissent cette histoire-là. Hein? L'enfant prodigue. Donc, on va regarder ces histoires-là ce matin. Parce que Jésus va être interpellé par la gang de bons gars, hein? Par la gang des gens qui se croient bons, qui se croient des gens exemplaires dans la société, ces religieux-là. Il va se faire interpeller et Jésus va raconter trois histoires pour leur exprimer comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses, comment lui voit les choses. Et aussi dans le but de les emmener, eux, ce groupe-là qui parle, à se repentir et venir à lui. Donc, si vous êtes là dans Luc, tournez, si vous n'êtes pas là, Luc 15, je pense que vous êtes déjà rendu. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Voyez-vous? Ça, c'est notre contexte. Donc, des gens qui, Jésus s'assied à quelque part, vous se tient sur un coin de rue quelque part, et qui est-ce qui vient, qui s'approche? Des gens de mauvaise vie, des prostituées, des voleurs, les gens les plus rejetés de la société. Chez les Juifs, il aurait aimé mieux que tu sois un putain qu'un publicain. Il aurait aimé mieux ça. Pour un publicain, c'était la pire des choses dans la société. C'était des traîtres. C'était des traîtres à leur peuple. Travaillaient pour les Romains. Et les prostituées aussi, qui étaient vraiment repoussées dans la classe basse, la classe, je ne sais même plus si c'est trop assez creux pour les pousser, mais on les poussait là. Mais eux, pour une raison quelconque, s'approchaient de Jésus. Ils voulaient entendre, ils voulaient savoir, ils voulaient comprendre ce que Jésus disait. Donc, ils s'approchaient de Jésus. Jésus était comme une espèce d'aimant. Il les attirait. C'est pour ça que je crois à un évangile, une évangélisation de ce genre-là. On n'est pas à courir, on a attiré les gens. Les gens devraient coller après nous et non pas nous fuir. Peut-être qu'ils vont nous fuir parce qu'on ne sent pas bon. Hein? Ils devraient peut-être venir nous voir notre foi, notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu devrait être un aimant. Un aimant. Attirer. Qu'est-ce qu'il y a de lui de différent? Comment ça qu'il pense de même? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il a la paix dans cette situation-là? Pourquoi est-ce qu'il ne pleure pas dans cette situation? Pourquoi est-ce qu'il se réjouit de telle affaire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a quelque chose qui marche dans sa vie qui est différent de moi. Ça veut dire qu'ils vont comprendre. Ils vont peut-être voir des différences. J'ai déjà raconté, hein, quand j'étais sur ma petite ferme, les gens qui me voient, François, t'es différent de nous autres dans le rang. Qu'est-ce que t'as de différent? Il dit, tu serais-tu végétarien par hasard? Voilà la conclusion que tu tirée. Je n'ai pas demandé si j'étais chrétien, si j'étais végétarien. J'ai dit, ben non, j'ai des poules et un bœuf que je mange, là. Mais il voyait que j'avais une vie avec ma famille différente. Donc, il était attiré. Qu'est-ce que tu as de différent? pourquoi c'était comme ça? Pourquoi est-ce que c'était comme ça? La madame là, d'en face, je ne sais pas comment le soir, qu'elle a traversé chez nous et dire, vous êtes la seule famille qu'on voit assis dehors, en famille, ici, dans tout ce temps-là. Il n'y a jamais personne qui est assis en famille. Tous les autres, on était occupés. Il y a juste vous autres qui êtes assis en famille ici. Comment se passe ça? Qu'est-ce que vous avez de différent? Hey, c'est-tu pas une belle occasion pour partager notre foi? C'est-tu pas une belle occasion pour partager notre foi à ces gens-là? Un aimant. Jésus est un aimant. Un aimant. Et pour leur faire comprendre pourquoi lui se tient avec ce genre de monde-là, parce que c'est ça, c'est chum, hein, on l'appelle quoi? C'était l'ami des gens de mauvaise vie. Jésus était l'ami de ces gens-là. C'était ses chums. C'était ses, il passait son temps avec ce genre de monde-là. Donc, l'autre gang, les scribes, les pharisiens, les gens d'église, les gens de religion, les gens qui se croyaient des bonnes personnes, les gens qui croyaient faire ce que Dieu avait dit. Parce que la gang ici, là, les pharisiens ici, là, c'est le deuxième fils, ça. Les autres, ils disent à Dieu, « Oui, oui, Seigneur, oui, Seigneur, on aime ça, la vie chrétienne. On aime ça, Dieu, on aime ça, la foi, on aime ça, la Bible. » Mais ils ne font pas ce qu'ils ont à faire. Ils font rien. Ça fait d'abord, je pars en arrière, Dieu va leur dire, « Vous êtes une gang de sépulcres blanchis. » Hein, voyez-vous? Dans un bar, ils disent, « Tout le monde croit que ces gens-là aiment Dieu. » Tout le monde croit ça. Les autres même se croient. Mais Jésus leur dit, « Vous n'aimez pas Dieu. » Non, vous n'aimez pas Dieu. Combien de gens on rencontre qui vont nous dire d'aimer Dieu, mais on sait qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Et donc, les trois histoires, l'histoire de la Bible perdue, l'histoire du drachme perdu, un drachme, c'est quoi? C'est une pièce de monnaie, hein? Et l'enfant prodigue. Trois histoires que Jésus raconte aux pharisiens pour expliquer son comportement, qui semblait tellement irrationnel pour eux autres. Et il veut leur expliquer comment Dieu perçoit le monde et qu'est-ce que Dieu veut faire pour le monde. Le titre que j'ai marqué ce matin, c'est « Dieu veut sauver le monde ». Dieu veut sauver le monde. Ce n'est pas François qui veut sauver le monde. C'est Dieu qui veut sauver le monde. Et on va voir ce matin, qu'est-ce que Dieu fait pour sauver le monde. Okay? Ce que lui fait pour sauver le monde. Verset 3. On va lire la première histoire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de finir. Peu importe, on va faire un bout. Mais il leur dit cette parabole. C'est quoi une parabole? C'est quoi une parabole? C'est une histoire. C'est une histoire. Okay? C'est une histoire qui est donnée pour quoi? Pour nous faire comprendre quelque chose qui vient d'être dit avant. Donc, il raconte une histoire, on fait ça. On fait ça quand on est pédagogue. Quand on enseigne, on fait ça. Mon professeur, cette semaine, il compte des histoires pour nous expliquer des principes qu'on ne peut pas voir. Parce que ça fait 2 semaines qu'on étudie les cellules, puis je n'ai jamais vu une. C'était plus sur papier. Mais on n'avait pas vu. Fait que là, il essaie de nous expliquer des choses qu'on ne voit pas. Fait qu'il prend des choses qu'on voit pour nous expliquer des choses qu'on ne voit pas. Donc, il nous compte des histoires pour vulgariser des principes fondamentaux. Et si Jésus fait la même chose, il prend une histoire, il va en raconter trois, pour aider ces gens-là, parce qu'il les aime, les pharisiens. Il veut que ces pharisiens-là soient sauvés. Puis il veut aussi que l'autre gang qui écoute les publicains et les prostituées comprennent aussi, parce que les autres aussi ont un problème, pas la même sorte de problème. Les putains et les publicains disaient quoi? Dieu ne peut pas m'aimer. Dieu ne peut pas m'aimer, je suis trop méchant. Les pharisiens, Dieu m'aime à la planche parce que je suis un bon gars. Voyez-vous? Deux problèmes différents. Mais deux problèmes. Deux problèmes différents. Lequel d'entre vous, si la sent brebis et qu'il n'en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui, 35-88, je ne sais pas ce que ça fait là, était perdue. » OK? Gord n'est pas là. Ça, je ne sais pas quoi faire. Il y a une erreur du programme ou du logiciel. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Première histoire. L'histoire d'un berger qui a 100 brebis et qui en perd une. Dans les deux premières histoires, j'aimerais que vous compreniez les deux grosses différences dans ces deux histoires, dans ces trois histoires-là. Le deux, c'est la même chose, puis l'autre, une autre vérité. Les deux premières histoires, c'est Dieu qui vient vers le pécheur pour le chercher. OK? Dans la troisième, on va voir, Dieu est stationnaire, c'est le pécheur qui vient vers Dieu. Vous me suivez? Il y a deux flèches, là. Un, dans les deux premières histoires, la brebis, c'est-tu le berger qui l'a perdu ou si c'est la brebis qui s'est perdue? C'est la brebis qui se perd. C'est pas le berger qui dit, je ne regarderai pas, je vais la laisser se perdre. Non, la brebis décide qu'elle voit, oh, il y a de la belle herbe par là, puis elle part. Elle sneak, elle passe entre les branches, puis elle va sur le voisin. C'est elle qui se perd. C'est elle qui est fautif qu'elle est perdue. Parce que le berger était là pour s'occuper d'elle. Mais elle, elle a décidé, je ne veux pas de ce berger-là, je vais aller manger ailleurs. Le berger veut m'emmener manger dans ce champ-là, me semble que l'herbe est un petit peu jaune et dure, je vais aller dans l'autre champ manger de l'herbe qui me semble à moi plus verte. Elle se perd elle-même. Mais qu'est-ce qu'il fait le berger? En arrivant chez lui, un soir, parce qu'il n'est pas toujours là toutes les minutes. Il ne fait pas ça toutes les deux minutes. Il fait ça quoi? Quand il rentre le soir. Il se met dans l'enclos, devant la porte, parce qu'un enclos, il est tout autour. Il y a une porte, les brebis rentrent, il compte. 99. Il en manque une. Le berger ne dit pas que le diable t'emporte. C'est de ta faute. Il ne dit pas ça, le berger. Qu'est-ce qu'il fait? Il part à sa recherche. Il part à sa recherche. Elle ne mérite pas qu'il la cherche. C'est de sa faute qu'elle s'est perdue. Il la restera là, il la laissera là dans le champ, à crever de faim, et ce serait justice. On ne pourrait pas l'accuser d'injustice. Vous ne pouvez pas dire, tu es un mauvais berger. Mais non. Mais il décide d'aller la chercher. Il part et il cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Il n'arrête pas. Il cherche. Il part. Vous savez, quand un berger cherche, qu'est-ce qu'il fait? Il part tout le temps. Il crie tout le temps. Pourquoi? La brebis reconnaît la voix du berger. Parce que si c'est un autre qui crie, si c'est toi qui cherches ma brebis, elle va entendre ta voix, mais elle ne répondra pas parce qu'elle ne te connaît pas. Vous savez, Jésus, ce qu'il dit dans Jean 18, il dit, j'appelle mes brebis, ils entendent ma voix, et ils viennent, ils la reconnaissent et ils viennent. Donc, quand le berger crie, la brebis répond, elle vient. Même si elle s'accrochait dans un trou par peur, le fait d'entendre la voix, elle va sortir du trou. Donc, le berger va vers la brebis, et il cherche la brebis, il appelle la brebis, il crie après la brebis jusqu'à temps qu'il la trouve. Et quand il la trouve, il te donne un bon coup de pied. Espèce de... Non, hein? Qu'est-ce qu'il fait avec? Il la prend, oh petit, tout tremblant, froid, le fer, il la prend, il la met sur ses épaules et il l'amène jusqu'à la bergerie, jusqu'à la maison. Et quand il la met dans la bergerie avec les 99 autres, il appelle sa femme, ses enfants, toute la gang, puis il se réjouit de trouver sa brebis. Il est dans la joie. Il est dans la joie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Oui, il y a des brebis perdues dans le monde. Ils se sont perdus par leur propre faute. Mais Dieu est à la recherche de ces brebis perdues. Ce n'est pas vous qui cherchez. C'est lui qui vous cherche. Jésus a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas vous qui m'avez cherché, c'est moi qui vous ai cherché. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il le répète fois après fois après fois après fois après fois. Dieu aurait pu rester dans le paradis et jamais venir sur la terre, et personne n'aurait pu dire un mot contre lui. Mais il est venu sur la terre chercher des brebis perdues. Donc ça, ils ont dit, oui, parce que je crois que les pharisiens sont assez intelligents pour savoir que les putains et les prostituées et les publicains, les gens de mauvaise vie, c'est eux autres qui parlent. Hein? Ils parlent d'eux autres. Là. Ils disent, oui, ils sont perdus. Oui, ils sont perdus, cette gang-là. Oui, oui, ils ne font pas ce que Dieu dit. Oui, ils ne sont pas dans le temple. Oui, ils ne vont pas à l'église. Oui, c'est des méchants. Prenez comme vous voulez. Oui, mais Dieu les cherche. C'est pour ça que je me tiens avec eux autres. Je me tiens avec ces gens-là parce que Dieu les cherche, ces brebis perdues-là. On a une autre histoire, verset 8, qui est la même vérité. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye pas la maison, ne cherche point avec soin jusqu'à ce qu'elle le trouve. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis, ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé le drachme que j'avais perdu. » La même vérité ici, la femme cherche ce qui est perdu. Elle cherche ce qui est perdu. Elle cherche jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvé. Et quand elle le trouve, il y a de la joie. Il y a de la joie. Et quand Jésus venait, voyait venir les prostituées, voyait venir les publicains et les gens de mauvaise vie à lui pour entendre la parole de Dieu, il était dans la joie. Il aimait ça. Jésus devait avoir une joie merveilleuse dans son cœur de voir ces gens-là venir à lui, entendre la parole de Dieu. Ça doit être vraiment une joie immense pour lui. Immense pour lui. Mais le but, c'est de les emmener à la repentance. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un homme qui se repent que 99 qui n'ont pas besoin de repentance. En tout cas, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de repentance. Pour vous, je ne sais pas. Pour moi, je sais très bien que je ne cherchais pas Dieu. Je ne cherchais pas Dieu. Non. Non, je ne cherchais pas Dieu. J'étais athée depuis 12 ans avant de me convertir et je ne cherchais pas Dieu. Je vous garantis que je ne cherchais pas. Et si je l'avais cherché, ça n'aurait pas été pour le servir. Je vous garantis. Je ne cherchais pas Dieu. Mais ce que j'ai réalisé à travers la lecture des Écritures. Lui, ça faisait 26 ans qu'il me cherchait et qu'il m'appelait. Pendant 26 ans, il n'a pas abandonné de m'appeler de toutes sortes de manières, par toutes sortes de manifestations. Il a fermé des portes puis il a ouvert des portes. Dans ma vie que je vois aujourd'hui, parce qu'on voit mieux encore en arrière qu'en avant, Dieu me cherchait. Dieu me cherchait. J'étais perdu. J'étais perdu. Complètement égaré. Complètement égaré. Mais, je ne sais pas combien de fois, depuis 30 ans, 32 ans maintenant, je ne sais pas combien de fois j'ai dit au Seigneur, merci d'être venu me chercher. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit ça, depuis 30 ans passé. Je te remercie d'être venu me chercher. Parce que si tu n'es pas venu me chercher, je suis encore dans les branches en te maudissant de m'avoir abandonné. Parce que dans ma tête, c'est lui qui m'avait abandonné, ce n'est pas moi. Et Dieu est en train de dire ici à ces pharisiens-là, à ces hommes-là, à ces prostituées-là, à ces publicains-là, Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Et veut vous prendre sur ses épaules et vous emmener à la bergerie. Et si vous le faites, il va se réjouir. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe comment vous l'avez fait, peu importe combien de fois vous l'avez fait, peu importe jusqu'où vous êtes descendu dans la marde, il va vous prendre, il va vous mettre sur ses épaules et il va vous aimer toujours. Tout ce qu'il veut, c'est que vous vous repentiez et que vous venez. Mais il vous appelle. C'est là que vient l'autre histoire. L'autre histoire, qu'on connaît encore mieux, l'histoire de l'enfant prodigue, qui nous touche encore un peu plus, parce que là, c'est pas une brebis, c'est pas une pièce de monnaie, c'est un enfant, hein, un garçon. Probablement un garçon dans la vingtaine, peut-être, je ne sais pas, un jeune homme, pas marié. On ne peut pas le voir à 12 ans, là, ça n'aurait pas été vraiment la bonne âge, peut-être une vingtaine d'années. Là, dans cette histoire-là, ici, on change le patron. Dieu, dans l'histoire, ici, le Père, ne bouge pas. Et c'est l'enfant qui doit faire les pas. C'est la brebis de l'autre histoire qui doit venir vers le Père. Okay? Donc, c'est l'autre facette de la même pièce de monnaie. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant avec dans la débauche. Comment vous seriez senti si votre garçon ou votre fille avait fait ça? D'une vingtaine d'années, là, il vient vous voir, il dit, « Bah, je sais que tu vaux 100 000, je veux ma part, 50 000. Donne-moi là. » Si tu penses, oui. On a différentes réactions chacun de nous. Certains vont gueuler, certains vont pleurer, d'autres vont... Mais ça ne sera pas un moment de joie là, intense dans notre cœur. Dire, « Ah, ben, je suis donc content de te le donner tout de suite. » On aura des réactions un petit peu différentes. Tu vas attendre que je crève. on aura une façon différente de réagir dépendamment de notre caractère, de notre personnalité. Et l'enfant est complètement ingrat. Complètement ingrat. Il ne veut plus être avec son père. En plus de ne plus être avec son père, il veut avoir les biens de son père. Ce que son père a accumulé à travers les années. Donne-moi ma part d'héritage maintenant. Et il fait ses petits, il fait son baluchon, et il part, et il ne va pas investir ça. Parce que si la terre voisine achetait une autre terre, puis devenir un bon gros cultivateur, son père aurait dit, « Bah, c'est bon! C'est pas la meilleure manière de faire, mais c'est bon, je suis content pour lui. » C'est pas ça. C'est qu'il vit dans la débauche. Il flambe tout son argent. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Et ici, pour les Juifs, vous ne pouvez pas s'imaginer c'est quoi. Quand Jésus dit ça ici, là, pour les Juifs, c'était épouvantable. Vous savez que les Juifs ne mangent pas de cochons. S'ils n'en mangent pas, ils n'en enlèvent pas. Aller garder des cochons, c'est la pire insulte que tu ne pourras pas donner à un Juif. Hein. Mais si Jésus dit... Il donne un exemple. Il est descendu tellement bas dans sa vie qu'il était rendu à garder des cochons. Il était pas mal bas, là. Il va plus loin. Il dit il aurait même voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Donc là, il était rendu au point qu'il voulait même manger la nourriture des cochons. Je ne sais pas si vous avez déjà gardé des cochons. J'en ai déjà gardé quelques-uns. Je n'aurais pas voulu manger la nourriture qu'il mangeait. Et non pas aller la chercher, où est-ce qu'il allait la chercher aussi. Tu sais. Donc Jésus, il prend l'être humain ici, il prend ce jeune homme-là, puis moi j'appelle ça, il le descend dans le fin fond de la cave. Ici, ce qui est intéressant, ce n'est pas le jeune homme, c'est le père. Moi, ce qui m'impressionne, ce n'est pas le jeune homme ici. Il ne m'impressionne pas du tout le jeune homme, parce que ça, c'est moi, le jeune homme. C'est moi, ce jeune homme-là. C'est le Père qui m'impressionne. C'est sans dire un mot, il lui donne sa part. Il lui donne sans dire un mot, sans y en vouloir. Il lui donne, voilà, tu peux jouir des biens que j'ai accumulés qui m'appartiennent. Ça, c'est l'être humain, mes frères et sœurs. Toutes vous autres. Pendant 26 ans de ma vie, j'ai utilisé ce qui appartenait à Dieu. J'utilisais ce qui appartenait à Dieu. Je le maudissais en arrière. J'utilisais, je profitais de la création de Dieu. Je profitais de ce que lui faisait alentour de moi. Je profitais de la nourriture qu'il donnait. Mais je le maudissais en arrière. Il n'y a rien à savoir de lui. Puis quand ça n'allait pas à mon goût, je suis allé vers lui. Mais Dieu continuait à me nourrir. Vous vous souvenez Matthieu 5? Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu continue à nourrir cet enfant ingrat. Il lui donne sa part. Et là, il utilise tous les biens qu'il y a autour de lui, que son père lui a donné. Et il les utilise mal, à un point tel que ça l'emmène dans la misère. Et cette personne que je parlais cette semaine, qui a utilisé tous les biens que Dieu a mis autour d'elle, maintenant, elle dit, « Je suis dans la merde jusqu'au cou. » Elle était avec les cochons. Elle a pris tout ce que Dieu lui a donné. Elle l'a mal utilisé. Et là, elle blâme Dieu maintenant. Ça va mal. Mais pourtant, Dieu ne cesse pas de lui faire du bien. Pareil. Ça, c'est l'être humain, ça. C'est tout chacun de nous. On a utilisé les biens de Dieu jusqu'à notre conversion sans s'intéresser à Dieu. On voulait jouir de ce qui était là pour nous. On ne s'occupait pas de Dieu. S'il ne nous donnait pas ce qu'on voulait, on se plaignait. Et là, ce jeune homme-là, dans sa merde jusqu'au cou, décide. Il dit au verset 17, « Étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père, là, je me souviens, en arrière, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » Il dit, « Même les serviteurs de mon père mangent mieux que moi. » Ils sont là, eux autres, là, puis c'est des serviteurs, puis ils mangent mieux que moi. Moi, je suis un fils d'un millionnaire, puis je suis dans la merde, cette là. Mon père est bien riche, mais moi, je suis en train de crever, cette là. Voyez-vous la réaction qui se passe dans sa tête? Il est en train de réaliser l'erreur qu'il a faite. Au verset 18, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, la repentance s'enclenche. « Je me lèverai, » il parle au futur, ça se passe à l'intérieur. « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « J'ai péché contre toi. » Et ça, c'est important de réaliser ça. Je n'ai pas péché avec une cigarette, ou avec une bouteille, ou avec la putain du coin, ou avec voler mon gouvernement. Je n'ai pas fait ça, là. C'est pas ça qui passe. « J'ai péché contre toi seul. » Notre vie est un péché total contre Dieu. Notre vie est une abomination contre Dieu, est une insulte à celui qui nous avait créé. C'est ce qu'on appelle la repentance. J'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Voyez-vous la repentance? Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne que tu me traites comme un de tes fils. Je ne suis plus digne. Je ne te demande pas de me prendre comme fils. Je te demande juste de me prendre comme un ouvrier pour que je puisse au moins sortir un peu de la merde dans laquelle je suis et pouvoir un peu manger et pas crever. Donc, il manifeste ici en disant cela la compréhension qu'il a de son père. Il ne croit pas à ce moment-ci que son père est prêt à l'établir comme fils. Mais il pense que son père, il est assez bon pour lui donner une job de serviteur. Voyez-vous? Il croit ça dans son cœur. Bien, peut-être qu'il lui donnerait une job de serviteur. Il ne peut pas me mettre comme fils, ça ne se peut pas. Il ne peut pas être aussi bon que ça. C'est son raisonnement ici, hein? Il ne peut pas être aussi bon que ça. Au verset 20, il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Et c'est beau, c'est... Son père... vit et fut ému de compassion. Son père, il ne bougeait pas, mais il regardait dans la bonne direction. Il regardait vers l'entrée de la maison, puis il espérait toujours qu'il revienne. espérait toujours qu'il vienne. Il attendait le retour de son Fils. Mais il ne bougeait pas. Dans l'histoire ici, il ne bougeait pas. Dans les deux autres histoires, il courait partout pour le trouver. Dans cette histoire-là, il ne bouge pas. Ça, c'est la responsabilité humaine. Dieu fait sa part. Dieu court, cherche les brebis perdues. Il le fait constamment, continuellement, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, depuis le commencement du monde, que Dieu sort, l'homme est sorti du paradis, Dieu court après ses brebis perdues. Mais l'autre côté de la médaille, l'homme doit décider de tourner vers Dieu. L'homme doit prendre cette décision-là dans sa vie. Je veux aller vers Dieu. Mais il dit, je suis prêt à ce qu'il me traite comme un serviteur et pas comme un fils. Il ne retourne pas en disant, maintenant je vais me repentir, puis là mon père va me reprendre, puis je vais lui dire quoi faire maintenant. Mais non, ce n'est pas ça, l'homme. Il s'en vient avec l'attitude de vouloir quoi faire? Servir son père pour le restant de ses jours. Je vais juste le servir le restant de mes jours. Je vais être un serviteur. Le restant de mes jours. La repentance nous tourne vers Dieu. Je t'ai désobéi. J'ai marché contre toi. Mais je reviens vers toi et je te demande de me prendre comme serviteur. Le Fils, au verset 21, le Fils dit au Père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Là, c'est plus au futur, c'est « Il le vit. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père va y révéler sa vraie personnalité. Le Père va se montrer tel qu'il est à cet enfant-là. Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. Revêtez-la, mettez-lui un anneau au doigt. » Et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, il ne dit pas mon serviteur, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Il l'appelle comment? Fils. C'est mon fils et mon fils est revenu. Il est encore son fils. Et aucun reproche. Tu n'as pas besoin de reprocher à quelqu'un qui s'en vient le nez à terre. Il sait déjà que tu n'es pas correct. Mais son père est donc heureux de voir arriver l'enfant prodigue. Tellement heureux. Il se réjouit et il danse de joie. Là, il fait la fête, mon gars. Parce que dans la culture ici, l'anneau, les sandales, la robe, c'est l'intégration dans la famille. C'est ça que ça veut dire. On te remet en position. Le serviteur, tu ne fais pas ça. Si un serviteur était parti et était revenu, on n'y aurait pas mis un anneau au doigt, puis des sandales, puis la belle robe. Mais non, on n'aurait pas fait ça, on n'aurait pas fait le festin. On aurait peut-être repris, mais pas là, avec cette attitude-là ici. Ici, c'est parce qu'il est fils. C'est le fils qui revient. Et pour moi, ici, le père ici a une attitude qu'aucun être humain ne peut avoir. Aucun être humain. Vous ne pouvez pas vivre de même. Quand les gens reviennent à vous pour vous demander pardon, vous n'êtes pas capable de faire ce que lui a fait. Vous n'êtes pas capable. Pas plus ou moins. On n'y arrive pas. On essaye, on voudrait bien, on n'y arrive pas. Des fois, on réussit à se mettre les deux mains à nos poches pour pas fesser. Puis dire, ah oui, ok, je te pardonne. Oui, je te pardonne. Mais il ne fallait plus. Si tu l'as fait encore, tu vois. Ben non, je te pardonne. Et on se retourne de bord pour dire à tout le monde, une espèce de fatigué, faites ceci, faites cela. Et j'étais avec des gens là, que je côtoie, c'était ici, et qui une grande partie, c'est des gens qui ont eu des ruptures dans leur vie de mariage. Et c'est, quand ils parlent de leur ex-conjoint, c'est épouvantable ce qu'ils disent. C'est épouvantable ce qu'ils disent. Mais ils disent tout m'ont pardonné. Mais ce qu'ils disent me dit à moi, non, j'en ai pardonné. Ici, le Père va effacer le passé de cet enfant-là comme s'il n'avait jamais existé, comme s'il n'a jamais été parti. Il revient, quelqu'un qui serait arrivé là ce matin-là, ou ce soir-là, serait arrivé là. Il aurait vu une famille, un père qui tentait de fêter avec son fils, une belle fête de famille, il n'aurait jamais pu voir que l'enfant qui était là, c'était un marqué, un renégat qui avait été parti pendant des années peut-être. Fait des conneries épouvantables avec l'argent du père. Il n'aurait jamais vu ça. Le père le reprend comme s'il n'était jamais parti. Il n'y a pas d'autre comme lui. Quand on dit que Dieu est unique, c'est ce que ça veut dire. Dieu est unique. Il y a seulement lui qui peut faire ça. Et là, on a l'attitude de l'autre fils. Hein? L'autre fils. L'autre fils, ça représente qui? Les pharisiens. Hein? Ça représente les pharisiens. On est au verset. Excusez, j'ai trompé le bouton. 25. Or, le fils aîné était dans le champ, en train de travailler pour son père. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Hein? On est en train de faire une fête en pleine semaine? Qu'est-ce qui se passe? Pendant que je ne suis pas là, je suis au travail, puis qu'est-ce qu'ils font? Une fête sans moi? Il appela un des serviteurs en cachette, lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit dans une de ses colères. Il ne voulut même pas rentrer. Il me semble que je le vois dehors. Tu viens donc, ouais. Tu viens, c'est le père que je parle. Ou son frère. Vous n'aurez pas été vu ça être son frère à ce moment-là. Il faut que tu sois buté, là. Tu es dehors, tu ne rentres pas. Ça fait des années que ton frère est parti, tu ne rentres pas, tu ne vas rien savoir. Ça démontre une attitude pas mal de cœur. Son père sortit. Vous voyez encore une fois? Le père sort. Là, cette fois-ci, c'est le père. En fait, il sort vers le fils rebelle. Le père va aussi vers les pharisiens. Les gens qui se croient meilleurs que les autres. Hein. Il le pria d'entrer. Viens avec nous. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Voyez-vous l'attitude? Sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras. T'aurais-tu le tué pour qui? Pour moi, voyons donc. C'est moi, là, qui devrais être le sujet de la fête, à soir. Je suis un bon gars. Le serviteur que je vous ai conté le premier, là, le fils, dans la première histoire. Je veux aller travailler à ta vigne. Je suis le bon gars. Je travaille pour toi. Et quand son fils est arrivé, excusez-moi, verset 30, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il était retrouvé. » Qu'est-ce que le fils est en train de dire ici? Le deuxième fils, qu'est-ce qu'il est en train de dire à son père? Le plus important, c'est pas toi. C'est ce que tu aurais pu me donner. Ce que j'aurais pu avoir de toi. J'aurais bien voulu avoir le foutu veau gras, mais tu ne me l'as jamais donné. Mais qu'est-ce que le père dit? Mais tu as toujours été avec moi. C'est, le plus important, c'est moi. Puis le fils, c'est non. Le plus important, c'est ce que j'aurais pu avoir de toi. Les gens religieux sont là pour ça. Les gens religieux pratiquent une foi quelconque pour ce qu'ils peuvent tirer de la foi qu'ils ont, qu'ils pratiquent. Pendant que j'étais en train de visiter des plates-bandes, parce qu'on fait ça pendant que je fais. Vous me permettez d'utiliser de ce que je vis, parce que c'est comme ça, on fait des liens de ce qu'on vit. Et on est rentré dans une plate-bande ce qu'on visitait, et dans la plate-bande, il y avait, en rentrant, j'ai remarqué, on rentrait dans la maison, il y avait dans le petit mur de roche qui était là, il y avait une statue de Bouddha. C'est la première chose que j'ai remarqué. Je n'ai pas marqué les fleurs, j'ai marqué la statue de Bouddha. Puis tout au long qu'on a visité, il y avait des icônes un peu partout. Des icônes. Puis il y avait une des icônes, c'est une espèce de dragon, là, tu sais, avec des ailes. Là, tu sais. Puis il y a une femme qui dit, « Ah, c'est une affaire chinoise, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a nommé la petite bébite. » J'ai dit, « À quoi ça peut bien servir? » Ben, elle dit, allemande à cet esprit-là de protéger le jardin contre les mauvais esprits. C'est pas si fou. On mettait quoi, nous autres? Des médailles dans le cou pour se faire frapper. On mettait des statues de Saint-Vierge sur nos chars pour se faire frapper. T'as pas mieux, là. On lançait d'obénis sur nos maisons pour qu'ils brûlent. C'est la même affaire. Même affaire. Ce que je veux dire, là, pas parce que c'est plus fou que d'autres, ce Dieu-là est à son service à elle. Je te mets là pour que tu protèges mes affaires. C'est ça que je veux dire. Et tous les gens qui pratiquent une religion veulent se servir de ces dieux-là pour leur bien-être. Ça, c'est les pharisiens étaient comme ça aussi. Comme ce jeune homme-là ici. Tu ne m'as rien donné! Je te sers, tu n'as jamais rien fait pour moi. Et vous, ça, c'est l'attitude de l'inconverti, du pharisien, qui croit qu'il mérite quelque chose. De l'être humain qui croit que Dieu lui doit quelque chose. Parce que lui fait, selon lui, sa part. Il est une bonne personne. Il sert Dieu. Il prie Dieu. Il fait quelque chose. Combien de fois j'ai entendu des gens dire, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas ça. Dieu aurait dû me protéger. Dieu aurait dû protéger ma femme. Ou Dieu aurait dû... Je me souviens quand je viens de décéder, des gens qui me disaient, vous ne méritiez pas ça. Vous ne méritiez pas ça. Mais vous, ça c'est l'attitude de l'être humain. Dieu aurait dû vous protéger. Il ne l'a pas fait. Ça c'est l'attitude de l'être humain. Ici, dans cette histoire-là, Dieu dit à l'être humain, ou dit aux pharisiens, aux gens publicains, aux gens de mauvaise vie, il dit, Dieu s'attend à ce que vous veniez vers lui et que vous lui disiez, je ne mérite pas, j'ai péché contre toi, je veux être ton serviteur. Ça, c'est l'attitude que tu dois avoir, toi et moi. Lui va nous traiter comme des fils et des filles, mais notre attitude à nous, c'est quoi? Je viens comme étant un serviteur. Lui, dans son amour, dans sa compassion, va nous traiter comme des fils. On n'a pas besoin d'y dire de nous traiter comme des fils. Il va nous traiter comme des fils et des filles. Notre attitude à nous, c'est « Je reviens, je ne mérite rien, je veux te servir maintenant. » Le reste de ma vie. Mais il y a j'aimerais qu'on saisisse ça aussi. Si, et puis Jésus, je crois qu'il n'a pas compté les histoires à l'aveuglette. Il a mis les deux premières histoires pour montrer qui bouge le premier. Qui est-ce qui bouge le premier? C'est le berger, c'est la femme, c'est Dieu qui bouge le premier. Si Dieu ne viendra pas vers les êtres humains pour les sauver, aucun être humain ne se virerait de bord pour revenir. Aucun être humain. Aucun être humain. Aucun être humain. Mais c'est Dieu qui est allé dans l'enfant prodigue pour le ramener. C'est ça que les deux premières histoires nous disent. C'est lui qui est allé parmi les cochons, avec les cochons. Il est allé jusque-là pour le convaincre qu'il va leur prendre si je retourne. Il va me prendre si je reviens. Il l'a montré par les deux premières histoires. Je suis revenu vers toi, la brebis, viens vers moi. Je suis revenu vers toi, le drache, viens vers moi. Dieu va vers les gens et les appelle. On dit que l'Esprit de Dieu est dans le monde en train de quoi? De convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. L'Esprit travaille bien avant que vous soyez levé, puis moi aussi, vous savez. Puis quand vous êtes couché, il continue à travailler. Faites-vous-en pas. Il travaille 24 heures par jour, 7 jours par semaine, il n'arrête jamais. Il essaie de convaincre le monde. Nous, on appelle ces gens-là à se repentir. Et Dieu, à cause qu'il les a visités, ils vont venir jusqu'à lui. Tu sais ce qu'il dit dans 2 Pierre? On va voir ça, mais qu'on utilise Pierre ensemble. Il dit, ayez une vie avec eux autres, que lorsque Dieu va les visiter, ils puissent glorifier Dieu. Quand Dieu va les visiter, Dieu les visite. Dieu les visite. Puis il veut donc qu'ils se repentent. Ça, j'ai dit, Dieu veut sauver le monde. Il visite le monde, et par ces visites-là, par ces choses-là qu'il va faire dans leur vie, il veut créer en eux le désir de venir vers lui, afin qu'ils puissent les rétablir comme fils et filles. Ici, dans l'histoire, souvent j'ai dit aux gens, c'est pas l'histoire de l'enfant prodigue, c'est l'histoire d'un père, du père de l'enfant prodigue. Jésus ne veut pas qu'on retienne l'attitude de l'enfant prodigue, il veut qu'on retienne l'attitude du père de l'enfant prodigue. Parce que les pharisiens chiolaient contre Jésus qui se tenait avec les prostituées et les publicains. Il dit non, pensez pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est comme moi, là. Dieu veut que ces gens-là se convertissent. Il veut ça. Donc, c'est sa façon à lui de leur dire, le père se réjouit de n'importe quel prostitué, n'importe quel publicain, n'importe quel pharisien qui va venir à lui dans la repentance. Il va se réjouir de n'importe quel des trois. Tout ce qu'on peut dire ce matin, c'est... en tout cas, cette semaine, pendant que je méditais là-dessus, je me disais, encore une fois, merci Seigneur d'être venu vers moi. Et merci que quand je suis arrivé à la porte que j'ai cogné, tu ne m'as pas foutu à la porte. Hein? Tu ne m'as pas foutu à la porte. Et notre attitude, c'est « Je reviens pour te servir. » Et la semaine qui est devant nous, c'est ça. « Seigneur, je ne sais pas comment, qu'est-ce que tu vas diriger, je ne sais pas comment tu vas diriger les événements, les circonstances, comment tu vas diriger ma vie cette semaine, mais je suis là pour te servir. » C'est ça qu'il veut comme attitude. C'est pas qu'on devine ce qu'il va faire. Il ne veut pas que nous, on organise toutes les patentes pour le faire, mais qu'on a une attitude de « Je veux faire cela. Je veux te servir cette semaine. » Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit n'importe où. « Je veux te servir. Utilise-moi. Je t'en prie. Utilise-moi. » Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te remercions, nous te bénissons. Tu es un grand Dieu. On te remercie que tu voulais nous sauver. On te remercie. On te remercie d'être venu. Et celui qui est mort sur la croix, c'était le bon berger. Il venait pour chercher ses brebis. Il a fait entendre sa voix sur toute la planète. Et encore aujourd'hui, il continue à appeler ses brebis. Seigneur, prends nos bouches pour te faire entendre ta voix. Prends nos biens. Prends tout ce que nous sommes. Sers-toi de nous pour appeler d'autres brebis que toi tu connais. Sois béni éternellement pour nous avoir reçu avec joie. Merci d'avoir fait la fête pour nous. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen. Levez-vous, on va chanter le dernier cantique, si vous voulez bien.